en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, nous sommes de retour en studio live, mesdames et messieurs, après deux semaines d'absence. Parce qu'on vous a passé la semaine dernière l'émission spéciale J'ai animé 2013 qu'on a réalisé. Ah, en fait, ça fait juste une semaine qu'on a manqué. Ah ben oui. Si on y repense, ça. Mais moi, dans ma tête, ça fait tout plein longtemps que j'ai pas été live en studio, donc je suis content d'être là. Donc c'est ça que, comme je disais, on vous a passé la semaine dernière en onde l'émission spéciale qu'on a réalisé à J'ai animé 2013, donc avec Chantal Campagnan, entre autres, Monsieur Julien Materne, ainsi que Monsieur Luc Biron qui nous donnait ses impressions à chaud de son festival. Et mesdames et messieurs, la version vidéo de cette émission est maintenant disponible sur YouTube. Écoutez, on va mettre ça en ligne sur le site, même qu'Andrew, peut-être pendant la première chanson, là, on pourrait peut-être updater ça sur le site, sur la page Facebook de Puissance Maximale. Facebook, je suis d'accord. Le site, on va faire ça plus tard. Mais vous allez pouvoir écouter ça. Allez voir ça. Pendant la première chanson, on va updater ça là, sur la page Facebook de Puissance Maximale. D'ailleurs, on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Vous pouvez aller écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts, aller lire nos nouvelles, ainsi que vous rendre sur notre page Facebook. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Puissance Maximale et vous allez nous trouver très facilement. Et ainsi, appuyez sur le petit bouton j'aime, parce que nous, on vous aime, je le dis à chaque semaine, mais c'est terriblement vrai. Et en plus de l'avoir les nouvelles toutes les semaines de ce qu'on va parler à l'émission du jeudi, et quand on met nos émissions sur le site, vous allez avoir l'update en même temps sur Facebook. Vous pouvez aller sur le site de la station aussi, le www.ckiafm.org, pour aller chercher votre carte de membre de cette année, un petit 20$ pour encourager la station et ainsi encourager un micro libre à Québec de la musique différente, des propos différents et des émissions différentes sur les ondes radiophoniques et donc encourager Puissance Maximale par la même occasion. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous diffuser l'entrevue que j'ai réalisée avec Mme Jackie Berger qui a fait entre autres la voix d'Esteban dans Les Mystérieux Cité d'Or. L'entrevue dont j'ai parlé lors de l'émission spéciale J'ai animé 2013, mais on va vous diffuser ça. Vous allez pouvoir aussi aller la chercher sur le site de Puissance Maximale. Et tout de suite après, évidemment, de la très bonne musique comme à notre habitude, et on va vous parler de nouvelles ludiques, qui est entre autres quelques rumeurs sur la PS4, la Xbox 3, Xbox 720, bref, sur la nouvelle génération de consoles qui s'en vient, des sorties annoncées également. Et plein d'autres choses comme ça. Donc, on va commencer en musique, M. Castegan, avec une artiste que j'ai eu la chance d'interviewer à Génimé 2013, Mme Iroulan, qui nous fait un cover d'une chanson très populaire qu'on a entendue dans le film La guerre des Tucs. Et c'est le titre de la chanson, M. Castegan? L'amour a pris son temps. Oui, L'amour a pris son temps, qui avait été chanté originalement par Nathalie Simard. Mais là, c'est Iroulan qui nous chante ça sur les ondes de CKIA FM à l'émission Puissance Maximale. L'amour revient de guerre. Bonjour, c'est Esteban des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance Maximale. Alors bonjour à tous, ici Mickaël Michaud de Puissance Maximale et on continue nos reportages à GAnimé 2013. Et là, je suis en compagnie d'une légende pour plusieurs personnes, de quelqu'un j'avais très hâte d'avoir en entrevue, Madame Jackie Berger, une comédienne spécialisée dans le doublage en France. Vous la connaissez entre autres pour le rôle d'Esteban dans Les Cités d'Or. Madame Berger, bonsoir. Bonsoir. Contente d'être au Québec? Je suis très contente. Vous êtes vraiment... vous êtes très, très accueillant et je suis ravie d'être là. C'est la première fois que je viens au Canada et je suis très heureuse. Là, vous arrivez en plus dans une vague de froid assez intense là, sur la province. Là, vous êtes pas trop dépaysé. Ça fait c'est pas trop pour vous? J'étais un peu surprise en arrivant, c'est sûr, parce que bon, là, il fait froid à Paris, mais il fait moins 5 degrés, donc par rapport à ici. Ça va, là, je suis bien couverte, et puis j'ai mon chauffeur qui m'emmène partout, donc il n'y a pas de souci. Alors, vous êtes comédienne spécialisée dans le doublage, mais vous n'avez pas débuté votre carrière comme ça. Moi, si je me fie à mes recherches, vous avez fait du théâtre également. Vous avez commencé comme comédienne sur les planches. Comme la plupart des comédiens qui font du doublage, on a tous commencé par faire du théâtre. Oui, effectivement, j'ai commencé, et c'était en Belgique, parce que je suis belge, en fait, je ne suis pas française. J'ai commencé à faire du théâtre en Belgique, mais dès le départ, je faisais des voix d'enfant. Même au théâtre, mon premier rôle, j'avais 22 ans, et le personnage que j'incarnais en avait 14. C'était une petite fille de 14 ans dans une pièce d'Agatha Christie. Et à l'époque, j'avais aussi, j'avais 23 ans, mais je faisais très très jeune. Et on me prenait souvent pour un petit garçon en plus. Donc, et j'ai continué après à faire des voix d'enfants parce que au téléphone, on me demandait à parler à mon papa ou à ma maman. Donc, pour le théâtre, est-ce que c'est une bonne école pour le doublage? Parce que je sais qu'il y a un côté très technique au doublage, mais est-ce que le théâtre, dans l'apprentissage du jeu, est-ce que ça vous a aidé beaucoup dans ce qui est venu après dans votre carrière? Moi, je pense que c'est indispensable. Hein? Tous les bons comédiens de doublage sont passés par le théâtre. Il y a des exceptions, bien sûr, parce qu'on peut aussi penser que le théâtre, ça enlève de la personnalité, parce qu'on apprend de la technique et... Mais moi, je pense que c'est indispensable de commencer par faire du théâtre. Quels ont été vos premiers pas dans le doublage, votre premier contrat, si on peut dire comme ça, votre premier contrat dans ce domaine-là? Alors, la toute première fois que j'ai fait du doublage, en fait, c'est une amie qui m'avait branché sur un truc. C'était en Belgique. Ils cherchaient une voix pour chanter le générique d'une série qui s'appelle Fifi Brin d'Acier. Je ne sais pas si vous avez cette série, il est passé au Canada. On a eu quelques versions des histoires de Fifi Brin d'Acier, mais je sais qu'il y avait une qui datait des années 70, je crois, ou même au début des années 80. Plutôt 70, je suis née en 48. C'était les tout débuts de cette série. Et donc, j'ai fait un essai, j'ai chanté le générique de Fifi Brin d'Acier. Et puis, ça s'est enchaîné comme ça en Belgique. Après, j'ai fait une pause pendant 2 ans parce que je suis partie vivre aux Antilles avec l'homme qui est devenu le père de ma fille. Et au bout de 2 ans, on est revenu. Mais au lieu de retourner en Belgique, où il y avait quand même beaucoup moins de travail au niveau du théâtre, etc., et du doublage, on s'est installé en France. Et puis là, j'ai enchaîné les doublages pendant 15 ans. J'ai pas arrêté pendant 15 ans. Parce que je suis arrivée au moment où c'était vraiment le début du dessin animé, où il y a eu une vague sur le marché énorme de dessins animés. Il y a eu... il n'y avait pas que les Cités d'Or. Il y a eu Sans Famille, Rémi Sans Famille, où je faisais la voix de Mathias... et du petit Arthur. Il y a plein de séries que vous n'avez jamais vues au Canada, malheureusement, mais c'était... Il y avait Ulysse 31, je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, c'est Ulysse 31, Capitaine Flamme également. Capitaine Flamme, j'étais dans toutes ces séries-là. Goldorak, je ne crois pas que j'en étais. Peut-être un tout petit rôle dans Goldorak, mais après, il n'y avait pas que les dessins animés, il y avait aussi toutes les séries que vous n'avez pas vues ici, Arnold et Willy, où je doublais Gary Coleman. Il y en a eu des tas. J'ai doublé Ricky Schroeder, qui est un comédien qui a beaucoup tourné. Je l'ai doublé dans un film qui s'appelait Le Champion, The Champ, de Zeffirelli. Je ne sais pas s'il est sorti chez vous. Moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il est sorti au Canada. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Comment vous approchez pour le rôle? On va parler des Cités d'or un peu. Comment vous approchez pour le rôle d'Esteban? Est-ce que c'est une audition que vous avez passée comme pour n'importe quel contrôle? On est allé vous chercher personnellement? En fait, je n'ai même pas passé d'audition. Non, mais je travaillais tellement que tout le monde connaissait ma voix. Et je crois qu'à l'époque, on ne se doutait vraiment pas que ça allait devenir une série culte. Je peux dire que c'est une série culte, hein, parce qu'il y a tellement de fans. On ne s'en doutait pas du tout. Et non, j'ai pas passé d'essai. On m'a appelé. Voilà, on a commencé une série. Et puis, ça s'est fait comme ça, sans essai. Pour les Cités d'or, comment vous avez approché le rôle d'Esteban? Est-ce qu'il y a une façon, contrairement peut-être à d'autres rôles, est-ce que vous êtes allé avec quelque chose de plus particulier ou est-ce qu'il y a quelque chose en particulier en plus qui vous a attiré vers ce personnage-là? Ben, je pense que en fait, si on m'a choisi pour ce rôle, c'est parce que la personne qui m'a choisi pour ce rôle me connaissait bien, donc savait que j'allais facilement approcher ce personnage et me l'approprier. Et c'est vrai que Esteban, c'est quelqu'un de très gentil, très humain. Je ne dis pas que je suis très gentille et très humaine. J'essaye de l'être, mais c'est vrai que ça me plaisait et que ça me parlait. Ce personnage me parlait. Dans votre carrière, vous avez parlé justement que vous avez fait d'autres choses que du dessin animé. Est-ce que vous avez peur de parler de ces anciens projets-là de la façon que vous le pensez? Est-ce que vous vous censurez dans vos propos quand vous parlez d'anciens projets que vous avez faits? Est-ce que vous avez un recul, assez objectif par rapport à vos anciens projets? Dans le sens où... on vous demande votre avis sur la façon que... une question que je voulais vous poser, ça pourra peut-être répondre à celle-là. On sait qu'il y a une deuxième série des Cités d'or qui a commencé à être diffusée en France en novembre dernier. Et c'est pas le même casting de voix qu'il y avait à l'époque. Est-ce que TF1 vous a approché pour faire la voix d'Esteban? Comment ça s'est passé? Parce que là, on sait qu'effectivement, vous n'êtes pas dans la série. Comment ça s'est déroulé? J'imagine que vos fans ont dû être déçus que vous ne soyez pas de la partie. Alors, oui, bien sûr. Mais en fait, quand j'ai passé le casting pour la deuxième série, là, ça faisait très longtemps qu'on m'en parlait. Et on me disait, tout le monde me disait, mais non, mais il n'y a pas de problème, c'est toi qui vas le faire, personne d'autre peut le faire, t'es irremplaçable sur ce rôle. Ben, la preuve que non, personne n'est irremplaçable. Donc, c'est pour ça que, Dieu merci, je ne me suis jamais prise au sérieux. Et effectivement, j'ai passé le casting. Tout le monde trouvait ça extraordinaire. Tout le monde disait, ils m'ont dit, oh, on a retrouvé vraiment l'âme de la série, c'est génial, ta voix n'a pas changé, etc., etc. Et puis, finalement, comme c'est TF1 qui produit c'est TF1 qui apporte le plus d'argent, c'est eux qui ont décidé. Et comme ils ont regardé toutes les dates de naissance, ils ont vu que j'étais née en 48, que plein de comédiens étaient âgés. Et donc ils ont décidé de remplacer tous les comédiens parce qu'ils se sont dit, est-ce qu'ils vont tenir le coup jusqu'à la fin de la série? Et effectivement, ils ont eu raison pour Jean Topard, qui faisait les commentaires sur le petit documentaire à la fin, qui est décédé il y a 3 semaines. Enfin bon, moi j'étais pas du tout... ils ont trouvé comme argument que effectivement ma voix n'avait pas changé, mais qu'en sera-t-il dans quelques années? Parce que ça, ils ont pas l'intention. Ça n'a pas l'air d'être une série qui va se terminer cette année. Ils ont l'air d'avoir un projet qui va être sur plusieurs années. Mais personnellement, est-ce que vous avez été très déçu de ne pas pouvoir reprendre ce rôle-là? Ah ben, j'ai été plus que déçu. J'ai pleuré pendant une journée. Ouais. C'est sûr que ça m'a fait vraiment beaucoup de mal parce que je trouvais que c'était parfaitement injuste et c'est une chose vraiment que je déteste, c'est l'injustice. C'est quelque chose que je ne supporte pas. D'ailleurs, j'ai appelé ma fille Justine, parce que justice n'est pas au calendrier. Mais sinon, je pense que je l'aurais appelée Justice. Mais je trouvais ça tellement injuste, uniquement sur ma date de naissance. Je voulais leur faire un procès, même, parce que c'était... on ne peut pas éliminer quelqu'un par rapport à son âge. Donc oui, ça m'a fait beaucoup de peine. Et puis les fans étaient aussi étaient très déçus. Et il y a une pétition en ligne sur Facebook. Les fans se sont vraiment beaucoup remués. Mais malheureusement, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Mais moi, je n'ai pas regardé la nouvelle série. Mais d'après les fans, ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, nous, les anciens de la série, nous avons baptisé les Cités d'or les merveilleuses cités plaquées or. C'est un bon titre. On verra, nous, c'est pas encore diffusé au Québec, ça va être... Je pense que vous serez d'accord avec la France, avec les fans de France, ça n'a plus rien à voir. Il n'y a plus la magie, mais je ne dis pas ça par rapport à moi, mais c'est plus la même... Enfin, la musique est différente, tout est différent. Il n'y a plus l'esprit qu'il y avait, il n'y a plus la magie. Ça m'amène à une question que je voulais également vous poser, je voulais vous la poser par rapport à cette série-là, mais... Par rapport à tous les projets que vous avez faits, est-ce que vous vous regardez souvent? Est-ce que vous allez vous écouter, réécouter des épisodes que vous avez faits? Puis est-ce que vous êtes très critique envers votre travail? Non, je ne m'écoute pas souvent, mais c'est vrai que quand je m'écoute, je suis extrêmement critique, surtout par rapport à ce que j'ai fait il y a longtemps. Quand j'écoute maintenant, je me dis, oh merde, j'aurais pas dû faire comme ça, c'est trop... Surtout sur des personnes, pas tellement sur les dessins animés, mais j'ai fait quand même beaucoup de films pour le cinéma, beaucoup de séries où je doublais des personnages, enfin des humains, et je trouvais qu'au début, je forçais ma voix. Je suis très critique. Et encore dans la question du visionnement, vous avez une fille. Est-ce que votre fille a écouté beaucoup les séries que vous avez faites? Parce que pendant quand même une certaine époque, vous étiez partout là, dans les séries en France. Est-ce que vous avez beaucoup écouté et sa réaction en entendant sa mère à la télévision? En fait, elle ne m'a pas beaucoup écoutée quand elle était jeune, quand elle était en âge de voir les dessins animés. Elle ne m'a pas tellement écoutée. Mais par contre, maintenant, quand elle m'entend, parce que de temps en temps, il y a encore un truc que j'ai fait qui repasse à la télé, alors elle est très troublée. Elle me dit « Oh là là, mais non, mais j'y crois pas, ma mère !» Et surtout que c'est toujours des voix de petits garçons. Elle dit « Mais j'y crois pas !» Non, elle est très... elle a 23 ans maintenant. Elle est grande, ma fille. Mais oui, elle est assez fière de moi. Excellent. Je vous remercie beaucoup, Mme Berger, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je vous souhaite un bon festival, un beau séjour au Québec. Là, je ne sais pas si vous allez repartir longtemps après la fin du festival ou si vous repartez tout de suite après. Mais pour votre séjour, je vous souhaite un bon séjour et un bon festival. Merci beaucoup. Alors, on continue avec Puissance Maximale. Puissance Maximale. Et oui, de retour à puissance maximale après notre entrevue avec Mme Jackie Berger, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé avoir en entrevue plusieurs fois. D'ailleurs, on a fait des versions publiques de cette entrevue-là trois fois pendant le festival. De très bons commentaires. Les gens étaient très heureux de la voir. Bien content d'avoir été là. Mesdames et messieurs, oui. Et le monde t'ont trouvé excellent malgré ton opinion critique envers toi-même. Ah ben oui, effectivement, j'ai eu des très bons commentaires sur mon animation. J'étais bien content, surtout quand on a la chance de côtoyer des gens comme ça. C'est toujours le fun de se faire dire ça, qu'on a été bon. Et maintenant, mesdames et messieurs, il est temps de parler nouvelles ludiques. Monsieur Castigan. Oui? C'est à vous. Ah, OK, t'enchaînes pas? Non, c'est une blague. Non, non. Je plaisante, je suis tout prêt. Ben, première nouvelle, on va parler de studios qu'on n'est pas loin, d'ailleurs. On va parler de Ubisoft qui ont fait une annonce. Assassin's Creed 4 serait annoncé. Et oui, mesdames et messieurs, Assassin's Creed 4 qui s'en vient, on serait avec un nouveau personnage et une nouvelle... période historique. Période historique, on quitterait le monde, le nouveau monde finalement. Écoutez, moi je vais être bien franc, on a parlé d'Assassin's Creed 3, j'ai fait une critique et tout, et je vais être bien franc avec vous, j'ai pas rejoué depuis la critique et je m'en porte pas plus mal. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à entrer dans l'histoire, contrairement aux autres versions. Ouais, mais à t'avoir vu jouer, je comprends un peu. Là, t'es quand tu vois des loups ou des cougars qui glitchent dans des roches, tu marches dans une montagne et tu tombes dans le vide et tout d'un coup tu touches le sol, t'es encore en vie, tu fais un pas et tu meurs. C'est ça. Ou encore ton personnage fait des choses pas nettes avec d'autres personnages. Mais ça vient de YouTube. Ouais, c'est ça. Mais non, il y a les glitches, puis je sais pas, l'histoire. C'est intéressant, le côté historique m'intéresse encore beaucoup. Mais je sais pas, j'embarque beaucoup moins. Donc, on dirait que je suis moins enthousiasmé par la 4, par le Assassin's Creed 4, mais on nous annonce que ça serait sur la prochaine génération de consoles. Donc, ils nous disent qu'il y a une évolution dans le gameplay, mais bon. Ouais, puis aussi, en même temps, ils disent que dans le fond, le jeu verrait le jour durant l'année fiscale 2014, autrement dit, entre avril 2013, qu'est-ce qui m'étonnerait, et mars 2014. Donc, nous attendrons de voir. On a un an. Effectivement, on attendra de voir ce qui se passe avec Ubisoft et Assassin's Creed 4, mais bon, ça a été annoncé, préparez-vous, joueurs et fans de la série pour la prochaine génération, ils auront leur titre. Sinon, une autre nouvelle qui a été annoncée, que c'est moi qui te l'ai appris et qui t'a fait un « Oh yeah! » The Witcher 3 Wild Hunt serait dévoilé et annoncé. Oh yeah! Mais parce que Witcher 2, Assassins of Kings... Ben, j'en avais parlé, j'ai fait une critique aussi de ce jeu-là, et ça a été un de mes gros coups de cœur 2012 côté RPG dans mon top 3 avec Skyrim et en fait mon top 2. Ben, j'ai vraiment juste joué à ces deux-là beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoutez, quand j'ai entendu ça, j'étais bien content. Et en plus, on nous parle d'un jeu open world. On nous parle d'un jeu, je pense, avec une carte qui dépasse 20% plus grande que celle de Skyrim. En fait, ils disent que la carte serait 40 fois plus large que le monde proposé dans The Witcher 2 et 20% plus grande que l'univers de The Elder Scrolls 5 Skyrim. Donc, ça fait quand même une grosse carte. Et d'après ce que j'ai pu voir, il y a des images qui sont sorties aujourd'hui. C'est dans à peu près les mêmes graphiques qu'il y avait pour la version de Witcher 2. Je peux vous dire que c'est c'est les plus beaux graphiques que j'ai vus cette année côté graphique en jeu. Là. C'était malade. À mon avis, ça va être le même engine, mais un peu pimpé, avec un petit peu plus d'anti-aliasing, avec des pilotes graphiques plus à jour. Donc, dans le fond, les textures vont être les mêmes, mais ça va peut-être être un petit peu plus net. La seule différence. En tout cas, déjà, moi, j'avais beaucoup aimé les graphiques. Donc, on s'attend à ça. Il va y avoir des quests vraiment style harvesting où on va aller tuer des monstres parce qu'on s'entend que les Witcher, dans ce monde-là, c'est des chasseurs de monstres. Donc, ils vont aller chasser des monstres pour des récompenses, pour des parties des monstres, pour leur aider à faire des mutagènes, des potions et autres objets. Il va y avoir une quête qui va vraiment être reliée à la politique. Ouais, dans le fond, je l'ai en avant de moi. Ils disent qu'il va y avoir trois niveaux de quêtes. C'est ça. Des quêtes ressemblant à des activités libres, comme exemple crafting, assassinat, et la chasse de monstres. Chasser de vilains monstres et des quêtes simples, du genre aller aider la madame qui s'est fait voler son panier par des méchants bandits. Genre. Et sur un second plan viennent les quêtes relatives à la situation politique du pays. Donc, dans le fond, suite à l'invasion de Nilfgaardien. De Nilfgaard, qui est un pays au nord, où est-ce que vous vous trouvez? C'est dans le 2 que vous avez tout ça. On est dans la suite, finalement, logique de l'histoire. Dans le fond, bataille, guerre, un peu, dans le fond, comme on peut voir entre les Stormcloaks et les Impériaux. et autres, des guerres sur des situations politiques, territoriales et autres. Et le troisième niveau de quête est plus intimement lié à Gerald, qui dans le fond, la trame principale pour la fameuse Wild Hunt. Ouais, parce que Gerald, dans la série The Witcher, est un Witcher donc qui est amnésique, qui a vécu des choses pas très cool et qui se remémore un peu tout au long de la série ce qui s'est passé. Et là, dans la série, je vous ferai pas de spoiler parce que je vous oblige à aller jouer à cette série de RPG qui est excellente. Vous apprenez que Geralt, face à la Wild Hunt, qui est comme une caravane, si on pourrait dire, de morts vivants fantomatiques qui voyagent entre le monde des morts et le. En fait, on apprend dans le 2 qui serait. Comme une dimension parallèle, et le monde des vivants qui aura enlevé une femme qu'il aimait. Donc là, on essaie d'en apprendre un peu plus, mais on va continuer dans cette lignée-là. Donc, on continue avec le storyline des plus grands mondes. Et ils prennent la peine de souligner quelque chose. Moi, j'ai pas joué assez longtemps en 1 pour le savoir. Toi, ça va te dire quelque chose. Ils spécifient aussi que dans le troisième épisode, ça sera d'ailleurs plus axé sur la romance que les précédents et qu'on ne retrouvera pas les fameuses cartes à collectionner au fil des rencontres sexuelles de Geralt. Oui, parce qu'il faut dire que c'est un jeu vraiment pour adultes et Geralt est un chaud lapin. Dans le deux, il y en a pas de carte non plus, mais dans le premier, il couche avec de nombreuses femmes, et à chaque femme avec laquelle il couche, il commence comme une carte à jouer, mais à place d'avoir comme le valet, le 8 ou whatever, ben, il y a la photo de la fille en question, une peinture, bref, assez qui suggère l'acte qu'il vient de faire. Donc, il n'y aura pas ça dans la version, dans le troisième jeu, comme il n'y en avait pas vraiment dans le 2 non plus. Mais bref, un excellent jeu qui s'en vient, j'en suis sûr, avec la gang de CD Projekt. Puis ça serait prévu pour 2014. Donc l'année prochaine, on a bien hâte. Puis en plus, c'est eux qui travaillent également sur le jeu Cyberpunk 2077, qui est tiré d'un jeu sur table. Il y a un trailer qui est sorti, l'engin est malade. Ben en fait, ça doit être à peu près le même engin qu'ils ont pris pour Witcher. La texture est malade, ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. C'est pas un gameplay trailer qu'on a vu, mais bon. C'est vraiment intéressant. Donc, de toute façon, c'est CD Projekt Red, donc on les aime. On a hâte qu'ils sortent des projets tout plein. Donc, Witcher 3 qui s'en vient, ainsi que Cyberpunk 2077. On pourrait faire une dernière nouvelle avant d'aller en musique. Certainement, M. Castegan. Une petite nouvelle rapide. Activision fait péter le mutagène. Activision aurait signé un accord avec Nickelodeon pour adapter pour une nouvelle fois la franchise des Tortues Ninja. Et on parle ici de 3 jeux, dont un qui verrait le jour cette année. Oh yeah, mais il n'y a pas beaucoup de détails. On aimerait ça un beat'em all. Tu sais, Turtle in Time, ça serait cool. Pour... Ils ont fait le remake Ubisoft de Turtle in Time sur Xbox 360 et c'était très décevant. Ouais, mais c'est ça, on s'en fout. Là. On veut quelque chose d'autre. Refaites un re-reboot. Non, mais c'est pas le fort d'Ubisoft, les beat'em all. Ouais, c'est sûr. Mais là, c'est. Faites un Assassin's Creed avec des Tortues Ninja. Ouais, là, c'est Activision qui l'a. Là. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est pas Ubisoft. Là. Tu te trompes, tu t'entremêles dans tes nouvelles, mon cher Castegan. Non, non. C'est toi qui m'as tout mélangé. C'est ça. Ah, Activision, ouais, c'est vrai, Activision, ils ont déjà fait des bons beat'em all, par exemple. J'allais demander quel genre de jeu qu'ils pourraient faire à part à se promener. Call of Duty version Tortue Ninja. Bon, avant que tu dises d'autres choses qui pourraient être qualifiées de n'importe quoi, on va continuer en musique, M. Castegan, avec une chanson de Manon Serge, je crois. Je présume, j'ai pas le nom de l'auteur, ça s'appelle Je pue poche sans le punk. C'est en plein ça. C'est un titre du style Oncle Serge. Et oui, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu l'oncle à cette émission. Donc, on vous envoie Je pue poche sans le punk de Oncle Serge à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Ouais, j'aime pas ça, les punk! On les voit errer comme des revenants dans les stations de métro puis les terrains vacants. À mes os souvent j'en vois paraître avec leur crainte de bien-être à tête. Ils se ramassent en avant puis poussent tout le monde. Ils parlent papillon, personne n'est la ronde. Et si quiconque leur dit un bon, ce soit le skunk. C'est donc à moi que les torques. J'suis pas seul punk. J'suis pas seul punk. Connaissez-vous mes dés? Il reste à deux villes. C'est un punk des champs, pas un punk des villes. Un jour il revenait de cueillir cette herbe suspecte qui lui fait redouter la sûreté du Québec. Évidemment mes dés n'avaient pas pris de touche. Et tout autour de lui voltaient des mouches. Je lui ai fait remarquer avec un match de tact. De son plus proche dans le parc. Je suis pas sale parc. Moi, je suis pas sale parc. Je suis pas sale parc. Check-moi la banquette qui sort des toilettes. J'ai pas que c'est qu'à faire, mais tabarnak qui est fait. C'est qui prennent les banquettes. J'ai pas qu'elle ancienne du jump. Ils sont grasses ou frostées. C'est qu'elle ravage et bonjour, ici Vincent Mauger, enseignant à l'Université de Laval en scénarisation interactive, doctorant en design et cyberculture. Vous écoutez Puissance Maximale et gardez en tête, les jeux vidéo sont un art, mais il est encore à son enfance, voire son adolescence peut-être, donc il faut travailler pour le faire grandir. Oui, de retour à Puissance Maximale pour d'autres nouvelles ludiques. Et on va faire un petit bloc spécial Sony, parce qu'il y a des bonnes... il y a des mauvaises nouvelles, puis des nouvelles qui sont pas vraiment des nouvelles, finalement. On va vous parler de ça. Monsieur Castegan, on va commencer par une baisse de profit chez Sony. Oui, en fait, Sony ont annoncé leur bilan financier de leur troisième trimestre, lui qui achève le 31 décembre 2012. Parce que vous vous rappellerez, je vous ai dit les dates tantôt d'une année fiscale, là. Bon, ben... voilà, ils entament leur quatrième trimestre et on parlerait d'une baisse de profit de 86%. Ouch! Tout plein, ouch! Mais d'après ce qu'ils nous disent dans la nouvelle, si je me rappelle bien, c'est que en général, ça va mieux chez Sony, mais c'est vraiment du côté jeu qui ont vraiment un problème. On parlera de la Vita, entre autres. Là, qui en fait, c'est les ventes des machines qui étaient en baisse. Et puis les consoles portables. C'est ça, parce que la Vita a pris beaucoup de temps à démarrer, puis là, ils veulent régler le problème en boostant la bibliothèque d'offres. Ben, dans le fond, c'est le même pattern qu'avec la PS3. Là, quand la PS3 sortit, ils ont fait un désastre dans un trimestre, puis ils ont fait « ça nous prend des jeux », puis là, ils commencent à sortir tout plein de jeux, puis là, ils remontent la côte. C'est tout le temps de même. C'est drôle, parce que c'est des gens qui sont supposés... tu sais, quand on me parle... On parle de booster l'économie, de développement économique et tout, puis qu'à chaque fois, on fait les mêmes erreurs. Tu fais, ouais, peut-être que le capitalisme, les gestionnaires dans les compagnies sont peut-être trop cabochons pour comprendre comment ça marche. Mais moi, je trouve ça drôle parce que... Surtout chez Sony. Autant les deux compagnies ont des mauvais plis différents. Microsoft, ils font toujours affaire avec la même usine au Mexique qui fait en sorte que les maisons pognent en feu à cause de leur cordon d'alimentation des Xbox 360. Et t'as Sony, qu'eux autres, ils sortent des consoles avec pas de jeux. Puis trop cher. Plus trop cher. Au départ. Puis après ça, ils font on vend pas, puis on n'a pas de jeu, puis on comprend pas pourquoi. Hey, les gars, on pourrait descendre les prix, puis sortir des jeux. Hey, pas fou, toi. Pourquoi t'as pas pensé à ça, hein? Puis tu sais, c'est comme Microsoft, comme boss, on a un taux d'échec d'à peu près 40% de nos consoles. On fait quoi? On préfère affaire avec l'usine en Chine qui fait des cordons qui marchent comme fou. Ouais, on pourrait y penser. Évidemment, vous avez assisté à une dramatisation des réunions de chez Sony et Microsoft. Tout ça à puissance maximale. Donc, pour Sony, ça va pas si bien que ça. Des grosses pertes. Mais il faut croire que ça va assez bien pour autre chose. Parce que, mesdames et messieurs, il y a des rumeurs qui circulent que dans 5 jours, il y aurait peut-être une annonce pour la nouvelle console de Sony. Oui, parce que, t'sais, faut savoir que, t'sais, il y a eu une vidéo qui a circulé sur Internet où on voit des espèces de logos de Sony, là, le fameux X, les ronds, tout ça, des images d'une... ben, des images très rapides de... possiblement une machine. T'sais, vous connaissez les bandes annonces de Sony. T'es ceux-là purs et simples de Sony. Faites juste vous rappeler de la première campagne publicitaire de la PS3. Là. Ils sont assez mystérieux dans leur trailer. C'est assez vague. Fait que là, le monde a commencé à dire c'est une PS4 le 20 février. Ils vont annoncer une PS4. Moi, je dis on se calme. Ben, moi, je dis ils vont peut-être annoncer quand est-ce qu'ils comptent la sortir, mais ils annonceront rien d'autre. Moi, veux-tu te dire quelque chose que je trouverais très, très drôle? Ils ont sorti une nouvelle mouture, dans le fond, de la PS3, il n'y a pas si longtemps que ça. La PS3 Simple, ils ont sorti des PS3 blanches, spéciale édition, puis une spéciale édition aussi. Ça paraît-tu qu'ils veulent la vendre, le Christie de PS3? Puis moi, check bien le 20 février, ils vont faire PS Vita version 2! Là, tout le monde va faire comme non! Malgré ça, il y a quand même des Malgré rumeurs. Malgré que le monde, il n'y a personne qui a pensé que ça pouvait être ça. Ça se pourrait que ce serait ça. Parce qu'ils ont fait un coup semblable pour la PSP Go, hein? Mm. Je vous le rappelle. Il y a quand même des rumeurs qui sont sur le net, là, entre autres. Il y a des specs qui se promènent. On parle d'une manette qui pourrait peut-être ressembler, tu sais, aller chercher encore une fois des inspirations chez Nintendo en ayant une manette tablette. Écoutez, les rumeurs sont parties, puis aussi par rapport à Microsoft également, il y aurait d'autres rumeurs qui sont en circulation. Non, Microsoft, je suis pas mal certain qu'ils vont annoncer leur nouvelle console cette année, là. C'est quasiment écrit dans les étoiles, là. Leur console commence à... Il y a beaucoup d'analystes, par exemple, qui pensent qu'ils vont sortir après la PlayStation 4, qui serait contraire à ce qu'ils font d'habitude. Il y a un ancien, justement, dans les nouvelles... C'est une guerre d'égo, hein. Ouais, ça c'est sûr. Ça va dépendre, moi je dis que ça va dépendre de ce que Sony fait. Dans les nouvelles qu'on a sorties tout à l'heure, il y en a une que je trouvais vraiment intéressante. C'est un ancien dirigeant, je sais pas si tu peux la trouver là, pour avoir les noms. C'est un ancien dirigeant qui travaillait chez Microsoft, qui a participé à la fabrication de la première Xbox et qui a avoué dans un livre qui est sorti cette semaine que Microsoft a sorti sa Xbox. Ouais, je l'ai drette ici. Pour simplement empêcher Sony de devenir les maîtres de la console de salon, parce qu'à l'époque, Bill Gates avait peur que Sony amène un PC de salon. Finalement, dans les maisons nord-américaines et sans utiliser Windows, bien évidemment. Donc, à ce moment-là, l'équipe de Microsoft aurait dit « Bon, là, on fait une console juste pour leur barrer la route. » La personne en question, tu vas peut-être me donner le nom. Tu peux vérifier. Ben, c'est ça que j'essaie de trouver. Joachim Kempin. Ouais, c'est ça. Donc, cet homme a dit qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'argent avec la Xbox. C'était vraiment Je peux citer. Il disait, oui, ils s'achetaient Windows pour leur PC, mais ça ne leur plaisait pas. Ils n'ont jamais été amis avec Microsoft. Et Microsoft, d'une certaine façon, voulait qu'ils le soient parce qu'ils savaient qu'il y avait de nombreuses choses sur lesquelles nous aurions pu coopérer, puisque Microsoft est, vous savez, une compagnie de divertissement. Mais dès qu'ils se sont pointés avec une console de jeu, Microsoft a regardé ça en disant, bon, il faut qu'on les batte. On va faire la nôtre. Donc, ils sont arrivés avec leur Xbox, sauf que ça nous rappelle une certaine époque où Nintendo et Sony devaient faire un coup commun pour faire une console. Pour abattre Sega. Puis finalement, Sony a décidé de sortir sa PlayStation. Donc, on pourrait dire... Et abattre Sega en même temps. Puis on pourrait dire à Sony, ben... Tout bad pour vous autres, vous êtes pris à votre propre piège. Mais j'ai quand même trouvé ça intéressant comme nouvelle. Mais en même temps, Microsoft avait fait une méchante belle machine, pareil, pour la Xbox 1, parce que... Il y en avait sous le capot, puis je pense que c'est une des consoles qu'on a passé une nouvelle génération avec le plus bas pourcentage d'exploitation de la console. T'sais, la Xbox, c'était une bonne machine. C'était de la machine. Là. La PS2 tenait pas à côté d'elle, là, point de vue matériel. OK, bon, il y avait des risques d'incendie dans votre maison, là, mais ça, c'est un détail. C'était un fire hazard. Là. On est assuré. C'est quoi le problème? Ouais, c'est ça. Il fallait juste aviser la compagnie d'assurance que vous aviez une Xbox chez vous. Il faut dire que là, présentement, la génération de consoles qu'on a chez nous, ça fait longtemps qu'on l'a. Ça fait 8 ans qu'on a cette génération-là. Puis, d'après les specs qu'on a, ben, la PlayStation 3 ben, n'est pas encore utilisée à son plein potentiel. Donc, pour la PlayStation 3, présentement... Au point de vue hardware, genre, au point de vue performance des pièces... Oui, c'est au point de vue de la programmation. Non, c'est parce ça. Parce que, tu sais, il y a des pièces matérielles, on peut l'utiliser de différentes façons. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que la PlayStation 3 n'a pas été utilisée à son plein potentiel parce que on n'a pas. Les développeurs de jeux n'ont pas programmé, dans le fond, dans la façon optimale que le système de la PlayStation 3 permet de le faire. C'est ça qu'on veut dire dans le style qu'on n'a pas atteint le maximum. C'est ça, ça fait que, tu sais, la PlayStation 3 n'est vraiment pas sous respirateur artificiel présentement. Là. Il pourrait continuer un peu. Même s'ils voudraient rentabiliser leur truc, peut-être attendre même pour la PS4. Mais bon, connaissant Sony, ils vont pas attendre trop longtemps après que la nouvelle Xbox sorte. Surtout que Nintendo ont quand même coupé ce cours. Là. Ils ont fait Wii U, voilà, bang. Et voilà. La nouvelle génération de consoles est partie. Fait que embarquez, sinon vous allez être en retard. Mais en même temps, les ventes de Wii U sont vraiment pas ce qu'étaient les ventes de Wii à l'époque. Donc, Je pense que le monde est un petit peu plus prudent. Nintendo va falloir qu'ils regagnent un peu leurs fans là-dessus. plus de jeux faits par eux, moins de studios tierces. Parce que c'est sûr qu'il a fait mal à la Wii. Là. Pas assez de bons jeux faits par Nintendo même, trop de jeux médiocres faits par d'autres compagnies. Je l'ai nommé une, mais je vais m'abstenir. Non, vas-y, on veut le nom. Ben, il y a certains jeux qu'Ubisoft ont faits, que ça faisait dur en tabarouette. Là. Mais bon. Donc, c'est ça pour est-ce qu'on avait d'autres rumeurs sur la PlayStation 4 avant de partir en musique une dernière fois? Ben, j'ai le prix en euros, mais qu'elle serait moins de 400 euros. Donc, ça serait à peu près dans ces prix-là ici. Oui, c'est ça, dans les nouvelles de jeuxvideo.com. Parce qu'à l'époque, quand la PlayStation 3 est sortie, c'était 600 euros. La PlayStation 3 était vraiment chère quand elle est sortie. Donc là, on pense que Sony va aller plus vers quelque chose de plus raisonnable, de plus proche pour être sûr de vendre des consoles. Mais il faut dire que même à l'époque, à ce prix-là, ils vendaient à perte. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Et on va aller avec une dernière chanson avant de finir avec nos nouvelles et la fin de l'émission, M. Castegan. Qu'est-ce qu'on va aller écouter? On va aller écouter la chanson Voice. Oui, Voices, qui vient de la trame sonore de l'excellent film d'animation Macross Plus, un classique des années 90 que je recommande à tous, qui doit être un peu plus difficile à trouver. Je pense qu'ils n'ont pas fait de réédition Blu-ray, mais c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie. Et une petite tune relax en japonais là, pour terminer l'émission. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale avec beaucoup de sons dans nos écouteurs. Faites le saut avec Friedemann Friese. Oui, mais c'était pour vous réveiller après les petits oiseaux. Effectivement, c'est peut-être juste le volume de nos écouteurs. C'est haut. Et donc, on revient après cette magnifique chanson de la série du film Macross Plus pour continuer en nouvelle ludique. On va y aller avec une nouvelle sur la Ouya. Oui, la Ouya, console que j'ai tout plein hâte de pouvoir essayer, qui d'ailleurs, on a eu des informations cette semaine comme de quoi que ça allait être disponible en magasin, qu'on pouvait avoir ça chez Best Buy, Amazon et plein d'autres places. Pour 100$ encore? 100$ encore. Ça sent l'achat. Ça sent l'achat, mesdames et messieurs. Il y a même eu des vidéos qui ont commencé à sortir de jeux en bêta sur Internet, puis ça a du potentiel. Pour ceux qui ne se rappellent pas, la Ouya, c'est cette console de jeux principalement indie, axée sur le free-to-play, qui va être basée sur un système Android et qui est tout plein friendly pour les développeurs et pour les joueurs. Parce qu'avec la nouvelle qu'on va vous donner, vous allez comprendre pourquoi. Oui, en fait, c'est que Ouya a été présent lors de la convention DICE 2003, la convention faite, dans le fond, par la compagnie DICE. Vous comprendrez. Et dans le fond, pour présenter le produit, comme de quoi aussi montrer de qu'est-ce que la console est capable. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui mettait en doute, dire « Ouais, mais là, 100$, est-ce que vous allez avoir une console de compétition? Est-ce qu'on va être capable d'avoir des jeux en 3D qui a de l'allure? » Et Ouya arrête pas de démontrer que oui, leur console en a dedans et ils sont capables d'avoir un bon rendu graphique et ça prend pas forcément une console à 400$ pour avoir de la performance. Et lors de l'entrevue, dans le fond, Engadget, un grand site de nouvelles geek, a posé la question: est-ce que vous prévoyez sortir d'autres Ouya? Dans le fond, est-ce qu'il va y avoir une Ouya 2 ou une Ouya 3? Et dans le fond, suivre le cycle des consoles, dans le fond, actuelles comme la PS3 et compagnie. Et Ouya ont répondu: oui, il va y avoir une Ouya 2 et 3, mais on va la sortir plus rapidement, possiblement une par année. Fait que là, j'entends le monde faire: quoi? Va falloir que je leur paye 100$ à chaque année pour avoir une Ouya de meilleure qualité, tout ça. Mais non, mesdames et messieurs, c'est ça la magie de la chose avec la Ouya, c'est que plus que c'est une console dont vous êtes propriétaire une fois que vous l'avez acheté, et mettons que vous êtes moindrement bricoleur, ben vous êtes capable de l'ouvrir et c'est une console qui est ouverte au piratage et aux modifications faites par vous. Donc, dans le fond, si vous décidez « ma Ouya n'a pas assez de mémoire ou mon processeur n'est pas assez fort et le Tegra 4, le nouveau processeur mobile de Nvidia vient de sortir et j'aurais le goût de le mettre dans ma Ouya », ben vous pouvez, mesdames et messieurs. Vous n'avez qu'à commander la pièce, vous prenez un petit tournevis et voilà, le tour est joué, vous pouvez changer vos pièces de votre console. Donc, dans le fond, vous n'avez qu'un investissement de 100$ à faire et par la suite, payez vos pièces. Mais vous pouvez faire la mise à jour vous-même. Je pense que les processeurs de mobile comme ça, c'est pas si cher que ça. Non, c'est pas si cher que ça, c'est moins que le prix de la console. Mais en plus, en même temps, pour le prix que la console elle vaut, ben, t'sais, peut-être vous pouvez sauter la Ouya 2, exemple, attendre la Ouya 3, ça fait 2 ans, puis après ça, vous pouvez dire « bon, ben, je vais me gâter, je vais réinvestir un 100$. » Puis en même temps, ben, connaissant le principe Android et qu'est-ce que la mentalité Ouya, probablement que tout ce qui est périphérique de Ouya 1, 2 et compagnie va être rétro-compatible. Ça, on aime ça. Fait que, à mon avis, vous allez vous ramasser avec tout plein de manettes et vous allez être heureux. Une bonne nouvelle pour les amateurs de jeux indie. En tout cas, Puissance Maximale, c'est sûr et certain qu'on va avoir ça sous la main dès la sortie, puis qu'on va tester ça amplement et vous rapporter ça. Premièrement, je connais quelqu'un qui m'a déjà invité, que lui, il l'a précommandé sur Kickstarter, fait qu'il va l'avoir avant tout le monde. Fait qu'on devrait être en mesure de tester ça. C'était une petite exclusivité avant public. On a hâte d'avoir ça entre les mains et de tester ça à fond. Et une autre nouvelle, M. Castagnan? Oui, une petite nouvelle rapide pour les fans de jeux atrocement durs et que vous avez le goût de sacrer et de tuer vos parents. Le jeu Ninja Gaiden 3 Razor Edge, qui était déjà sorti sur Xbox 360 et PS3, qui a eu d'ailleurs une adaptation sur la Wii U. Il y a du monde qui criait au scandale. Il disait « Pourquoi la version Wii U a plus de stock et tatati tatata? » Ben, pour vous qui avez déjà acheté le jeu, too bad. Vous allez devoir racheter le jeu. Mais pour ceux qui n'avaient pas acheté le jeu, ben, Tecmo Koei, dans leur plus grande beauté, ont annoncé qu'à partir du 5 avril, la version Wii U allait être rééditée pour la PS3 et la Xbox 360. Fait que ça vous tente d'avoir toutes les DLC, tous les bonus exclusifs de la Wii U, ben vous allez pouvoir l'avoir sur la PS3 avec des graphiques plus modernes, avec un anti-aliasing meilleur que la Wii U. Bref, aucune exclusivité pour la Wii U. Exactement. Dans d'autres mots, Nintendo s'est fait un peu baiser, si vous me permettez le terme. Effectivement. Et autre nouvelle rapide, nous, M. Castegan et moi-même, avons mis la main sur le DLC Dragonborn de Skyrim avant-hier, et même qu'aujourd'hui, théoriquement, je pense que les amateurs de ce jeu qui la possèdent sur la version PS3... La semaine prochaine. C'est une semaine plus tard. Auront accès à ce DLC-là, et je pense à toutes les autres DLC. Ouais, ben j'avais vu une nouvelle. Qu'est-ce que j'avais lu sur le blog de Bethesda, c'est qu'il annonçait que Dragonborn allait être disponible la semaine prochaine pour la PS3 et peut-être avant. Mais tu sais, la date limite, ils se sont donné mardi de la semaine prochaine. Et ils disaient en même temps tous les autres DLC. En même temps, ça serait logique. Pourquoi qu'ils seraient capables de mettre Dragonborn, mais pas Dawnguard? Fait que je connais peut-être un Vincent Langlois. Effectivement, présentement qui jubile chez lui, qui va pouvoir enfin continuer à jouer à Skyrim avec les DLC tant attendus qui s'en viennent. Et nous, pour notre part, on a ça sur PC, bien évidemment, parce que Skyrim, ça se joue sur PC. Et on a mis la main sur Dragonborn. On va essayer de vous tester ça là, pour la semaine prochaine, pour vous donner un petit aperçu de ce merveilleux DLC où on peut monter des dragons, se transformer en dragon, apprendre des nouveaux cris de dragon, bref. Et tuer un Dragonborn. Et c'est pas mort vivant. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on va vous parler de ça la semaine prochaine. On va essayer de tester ça cette fin de semaine, là, d'être ludique toute la fin de semaine. Et mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Une autre belle heure passée rapidement en votre compagnie. Je voudrais remercier M. Andrew Castegan qui est à la console, comme à son habitude. Merci M. Castegan. Merci M. Michaud pour cette animation, ma foi, de qualité. Comme à mon habitude, parce que j'ai oublié ma pipe et mon monocle. Et mon nom est Michael Michaud, comme vous a dit M. Castegan. Toujours content d'être là. À chaque semaine, on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos anciennes émissions et on va vous updater ça avec l'émission de ce soir et le lien pour aller voir le vidéo de l'émission spéciale de Génimé 2013. Qui est déjà sur Facebook. Allez d'ailleurs sur la page Facebook de Puissance Maximale. Tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche et allez dire que vous nous aimez parce que nous, on vous aime et vous allez pouvoir avoir accès à tout plein de nouvelles. Et nous envoyer une note pour nous dire on veut des t-shirts pour qu'on sache. On en recommande ou pas? Effectivement, on a déjà eu des demandes, mais ceux qui en veulent, envoyez-nous tout plein de demandes. Il en faut plus. Ça nous prend plus d'amour. Oui, effectivement. Et vous aurez des t-shirts à prix modique. Et après ça, ben voilà, c'est tout. Donc, je voudrais vous souhaiter, comme à mon habitude, une excellente semaine de jeu. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify, it's D&D. Virgins till the day we one, two, three, four, die.